Le 9-1. Ténébreuse mafia, Tony Denza, c'est comme ça qu'on fonctionne. Kevin Ramos, les banlieusards. Zinzino, oh. Cherche pas à connaître ma boîte secrète. Serait, je prends le nerveux, l'enterreux, mettez le j'évacue le stress. Je vous baise en souplesse, je suis sous être comme Boozer, je vous bouleverse, les cordes M6 sont dans des brouettes. T'as une chance de mourir comme à la roulette. Et si tu tentes de l'ouvrir, on brûle ta couchette. Même après la masturbation, j'assure l'action, wesh ma salope. Tu sais qu'il y aura de grosses facturations. J'ai la méthode, je suis en mode Serge Gainsbourg. Si tu cherches un scoop, tu trouves ma verge. C'est un coup, je t'emmène faire un tour et vive le rêve d'un jour. Les hypocrites, je les rends dépendants comme la nicotine. Les microfilms des documents, top secret dans le sac à dos. Baisse les narvalos de cœur comme Navarro. J'pars à l'assaut, laissez-moi prendre mon IAC. S'ouvrez les portes de la Pontiac, c'est un nouvel ordre mondial. Depuis le début, j'ai survécu sans incesse. Murs les plus insectes vous tuent en incesse. Les bastos sont gratos, les couteaux infectent. Le son est crado, les salauds sont sincères. Posté dans le labo, j'ai consommé plein de zep. Tout comme gratos, je vais prendre avec des pincettes. On va te nourrir à l'eau et au pain sec. Mes crapauds sont à la recherche de princesses. Oh. Pour les gens, je reste un sale toxico. Perdu à cause des boulettes que je crame aux hippos. Admirer le spectacle, un style crade au micro. Qui les épate, met des claques au rivaux. Explose leur crâne aussitôt, pire que la drépanocytose. Pour me soigner, je trouvais pas d'hôpitaux. Alors je fume jusqu'à voir mal au chico. Anti-MC, mégalomito. Tu aimerais rapper après moi, mais tu n'es pas au niveau. On a le son, plus son du con. Les ondes succombent, contente-toi quelques contusions en guise de conclusion. Tu fais confusion, nous on ne pense pas. Fonce dans le tas, tu danseras au rythme de tes convulsions. Première détonation, ça sent le pédolascon. Pour les pères de M6, mon écurie fait des donations. L'addition sera salée, mais on vient se rassasier. Mais la machine en route, y'a pas de magie, ça marche à l'acier. Depuis le début, j'ai survécu sans incesse. Murs les plus insectes vous tuent en incesse. Les bastos sont gratos, les couteaux infectent. Le son est crado, les salauds sont sincères. Posté dans le labo, j'ai consommé plein de zep. Tout comme gratos, je vais prendre avec des pincettes. On va te nourrir à l'eau et au pain sec. Mes crapauds sont à la recherche de princesses. J'amène avec moi la violence à l'état brut. 91, département banlieue sud. Quand on se lance, vas-y chute. Intifada comme la Palestine sanglante et la lutte. On baisse pas le fut, fils de pute. Ici la street recrute plus qu'après les études. Pour moins d'une barre, on fait des muscles. Famille robuste qui se parfume aux muscles. On charge les porcs comme un troupeau de buffles. L'État, on insulte, les boucas vont catapulte. Arrivé pour baiser la France comme une cargaison de stup. Sors la cagoule, le gun et le gros cube. Zinonique, les vaches ont fâché. 100% hardcore, ghetto et les strings vont lâcher. Evry court couronne, c'est qui court, c'est qui est caché. On t'a démasqué, vas-y court te cacher. Depuis le début j'ai survécu sans incesse. Murs les plus insectes vous tuent en incesse. Les bastos sont gratos, les couteaux infectent. Le son est crado, les salauds sont sincères. Posté dans le labo, j'ai consommé plein de zep. Tout comme gratos, je vais prendre avec des pincettes. On va te nourrir à l'eau et au pain sec. Mes crapauds sont à la recherche de princesses, salope. J'prends ton argent, bâtard alléchant. J'te braquette comme à Longchamp, ça j'trouve ça alléchant. J'reste un mal au frac comme Baffi, j'te la mets au fond. Si t'es en mal de fric, braqué sur tout, monte le son. Bien trop essonien et résigné. À la limite du raisonnable, avec une vie instable, ton Google est saigné. Viens pas m'embrasser, enfoiré, j'reste embarrassant. Tu te barres au sol avec mon seum, j'viens t'embraser. J'crois pas que ça se calme, plutôt que ça se canne. Chez moi ça se gâte et s'enflamme comme à 104. J't'assure sans. Gros, j'fume pas de fat kill. Avec mes roues en fond de cas, ça se démonte à la Fight Club. Sortez les millésimes. Avec du bon somme par ici. Et si ça sent roussi, moi j'me barre pas d'ici. J'suis qu'un parasite, un putain de morceau de parasite sans parasol. Si t'as le butin, on se barre ensemble. Depuis le début, j'ai survécu sans incesse. Murs les plus insectes vous tuent en incesse. Les bastos sont gratos, les couteaux infectent. Le son est crado, les salauds sont sincères. Posté dans le labo, j'vais consommer plein de zep. Tout comme gratos, j'vais prendre avec des pincettes. On va te nourrir à l'eau et au pain sec. Mes crapauds sont à la recherche de princesses. Faire du shit des blocs dans les stations électriques. Ça se tire dessus des blocs. Je débloque ma street pour conquérir d'ici la dalle en pleine dalle. Loin de la vie de Brandon et de Brenda. Pas le temps de mater les prime time. Faut se monter son équipe efficace jusqu'au doigt de pied. On nous a pillé, tous les fils de guerre se doivent payer. Je rappe avec un katana en guise de langue et de beat hardcore comme de l'artisanat. La Disneyland où t'habites, on s'en bat les couilles. Ça vise les tempes comme nos raps. N'attends pas le pied du mur pour voir tes forces latentes. Oh, nos raps sont nos rosses, nos tentes comme nos barons. Ce sont nos barons, mais on ne leur montre que les barreaux. La rose me tente pour me servir des ronces. Compromettant, mais comprend en même temps qu'on vit dans un paradis infernal. Je me dois de faire mal comme l'état formel. Sergio Catana. Depuis le début j'ai survécu sans un cesse. Ne hurlez plus insectes, vous tuez en incesse. Les bastos sont gratos, les couteaux infectent. Le son est crado, les salauds sont sincères. Posté dans le labo, je vais consommer plein de zep. Tout comme gratos, je vais prendre avec des pincettes. On va te nourrir à l'eau et au pain sec. Mes crapauds sont à la recherche de princesses. Joe Van Helsing se place comme un piercing dans les clitoris des salopes, j'ai gravé mon insigne. Joe Black pour les intimes, les Wakim s'inclinent. Le style flow, j'ai ce qu'ils font depuis mes 20 piges. Petite dose de nitro, les accros insistent. Les PD veulent tester, j'ai trop la rage dans qu'un free. De l'Essonne à Saint-Denis, papy, mon style invincible. Dans le rap, on s'implique, j'ai déjà percé 20 strings. Ma plume noire, ma tech, un style XXL. Mon rap plume bois, c'est la folie comme Eminem. Des grosses bouches râle, papy, ce ne sont des pipelettes. J'rappe pour les Kyle, les refs aussi. Les petits frères, voici du rap gore classe. Marilyn Manson, des verres de sang viennent tacher mon baggy jean Van Dutch. Mon flow sublime à l'allure de magnifique centaure. Paris puis Bangkok, mon rap vous a mis en cloque.